aux frères et aux sœurs qui restent au balcon. De s'éloigner de la cabine. Que je vous bénisse. Niko na lamukia kila nduku na kila dada mungine Yesu Kristo. Je salue chaque frère et chaque sœur au nom du Seigneur Jésus Christ. Niko na lamukia pia banduku na badada benye kutufuata ku internet. Je salue également des frères et des sœurs qui nous suivent à l'internet. Na bo niko na balamukia mungine Yesu Kristo. Et aussi je les salue au nom du Seigneur Jésus Christ. Tunapigia tena Mungu asante juu ya kutukaburia siku ya leo. Nous remercions notre Dieu du fait qu'il nous a accordé la journée d'aujourd'hui. Tupate kusanyika pa ifuashi juu ya kushikia neno ya Mungu. Que nous puissions nous réunir ici pour écouter la parole de Dieu. Kifukuzio kimwa tunakusanyikiaka pa ifuashi ni kushikia tu neno ya Mungu. L'unique objectif pour lequel nous nous réunissons, c'est pour écouter la parole de Dieu. Parce que neno ya Mungu yonjo ni kalaka na uwezo ya kubadilisha mtu. Parce que c'est seulement la parole de Dieu qui a le pouvoir de changer. Atuna na bifukuzio bingine mkuu ya paifuashi. Nous n'avons pas d'autre objectif en venant ici. Parce que Mungu atutumia neno juu ipate kutuokola. Parce que Dieu nous a envoyé la parole pour qu'elle puisse nous sauver. Neno moya ile nikalaka tena mkututunza. C'est cette même parole qui nous guérit. Wokovu haina mawazo. Le salut ce n'est pas dans la pensée. Wokovu ni maisha. Le salut c'est la vie que nous menons. Na muntu yote kama anaokolewa, et lorsque toute personne est sauvée, ashita wajia kusema anaokolewa. Il ne peut pas s'imaginer seulement qu'il est sauvé. Atayua kusema anaokolewa. Il saura réellement qu'il est sauvé. Juu wokovu haina mawazo. Parce que le salut ce n'est pas seulement dans la pensée. Mina wajia sema mina okolewa pale nduku ya kutabernakle. J'estime que je suis sauvé du fait que je suis allé au tabernacle. Apan. Non. Mungu abibariki. Que Dieu vous bénisse. Ça va toucher ma main, je vais commencer. Alors mettons-nous debout pour lire la parole de Dieu. Mbele tutaimba wimbo moya. Avant cela, nous allons chanter un cantique. Paraka ya mishi mbele mwimbo. Ça fait longtemps que je ne chante plus cette nawe Thank you. Isaïe chapitre 35. Isaia sura ya makumi tatu na tano. Verse yake 8. Mustari ya mnane. Yohala enchemin fraye ine route qu'on appellera la voie sainte. Ule kutakuwa njia batapasula na balabala bataita jia takatifu. Nul empire n'y passera, elle sera pour Essel. Akutakuwa taki chafu kimwagiri kitapita lakini itakuwa yabo peke yabo. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Bale watafuata ile njia, hata batu bajinga abaweze kupotea. Sur cette route, point de lion ni de pète féroce ne l'emprendra, nil ne l'y racontera. Mui njia, amutakuwa simba, wala banyama ba makari, akuna tamoye wala tafuata ile njia. Les délivrés y marcheront. Pakabenyo kombolewa njoba tatembele yamo. Le racheté de l'Éternel retourneront. Benyo kombolewa bawamilele batarudia. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Batenda kusayuni na mimbo ya shangwe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. Na furaha ya milele itawekwa pabicho biabo sawataji. L'allégresse et la joie s'approcheront. Shangwe na furaha itakaribia. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Maumivu pamoja na kuugua bitakimbia. Tuko na kupikia aksante mfalme. Nous te remercions notre roi. Aksante sana juri chikia imkusaniko ipate kuya. Merci Seigneur parce que tu as permis que cette réunion puisse avoir lieu. Kufatana na mawakati tuko naishi mudunia. Selon le temps dans lequel nous vivons dans ce monde. Wakati ya salama inesha kubakia kidogo sana. Le temps de paix est resté très minoritaire. Mudunia tuko naishi muko mafujo mangambo na ngambo. Dans le monde où nous vivons, il y a des troubles ça et là. Kama tuko napata okazio ya kukusanika hivi Seigneur. Si nous avons l'occasion de nous réunir Seigneur. Tuko navumbula kusema koko paka sababu. C'est parce que nous avons découvert qu'il y a une raison. Tuko nakualika Seigneur upate kuya katikati yetu. Nous t'invitons de venir au milieu de nous. Wakati tuko nakuya kwa lorsque nous venons à toi, Seigneur, c'est à toi que nous venons, Seigneur. Dans notre vie, yetu, Seigneur, dans notre vie, Bwana, kama si toi, Dieu, tu ne nous aides pas, il n'y a rien qui peut avaler. En tant qu'humain, nous te demandons pardon. D'une manière ou d'une autre, il y a toujours là où nous avons brisé ta parole. Adamu, regarde-nous sous le sang, Seigneur. Qu'on parle de manière de déraciner toutes les mauvaises choses dans notre vie. Nous voulons te ressembler. Nous voulons être changés. Nous voulons que lorsque tu viendras, que nous soyons prêts pour te rencontrer. Aide-nous, Bwana. Si tu nous as appelés au salut, ce n'est pas que nous puissions mourir ensemble avec des méchants. Tu nous as appelés, Bwana. C'est pour que tu nous amènes au ciel. Fais-le pour notre vie. Na juu ya utukufu ya jina yako. Et pour la gloire de ton nom. Yote. Tout ceci, nous te le demandons avec foi. Au nom précieux. Ya mufalme kombozi wetu Yesu Kristo. Du Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Amen. Amina. Mnaweza kuikala. Pouvez vous asseoir. Nitangia mardi tulianza kusemea juu ya sujet. C'est depuis le mardi qu'on a commencé à parler concernant ce sujet. La voix de Dieu qui a été frayée pour nous. Jia ya Mungu ile walitupasuria. Tuko kumwisho ya kizazi kya Laodikia. Nous sommes à la fin de l'âge de l'Odyssée. Kuko bitu bya mingi lo biko na apparaître pa dunia. Il y a beaucoup de choses qui apparaissent sur la terre. Bile biko na ongoza manja ya bantu mukufwa. Qui conduisent la vie des gens à la perdition, à la mort. Mungu alitangiaka tangia zamani kulaka kusema. Depuis longtemps Dieu avait prédit en disant. Kuko njia ile yeye atatayarisha. Il y a un chemin qui va préparer. Na mtu yote ule anapenda kuokolewa. Et tout homme qui veut être sauvé. Anapasha kuipata ile njia. Il doit avoir ce chemin là. Dieu apate kuokolewa. Afin qu'il soit sauvé. Inje ya ile njia. En dehors de ce chemin. Ni lufu. C'est la mort. Tangia mardi tulianza kusema. Depuis mardi on était en train de dire. Biblia inatuambia mule mu Jean chapitre 14. La Bible nous dit dans Jean 14. Verset 6. Njia ile yenye kila mtu anapasha kupata. Le chemin que toute personne doit avoir. Ni Yesu Kristo. C'est Jésus Christ. Juu yenge konasema. Parce que c'est lui seul qui dit. Niko njia. Je suis le chemin. Ukweli. La vérité. Nabujima. Et la vie. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Mtu asiweze kuokolewa. Une personne ne peut pas être sauvée. Kama ashikumupata Yesu Kristo pa hii dunia. S'il n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans ce monde. Apana nduku, apana dada. Mon frère, non, ma sœur. Kama ukumupata Yesu Kristo mu maisha yako. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie. Auweze kuokolewa. Tu ne peux jamais être sauvé. Auweze kwenda kumbingu. Tu ne peux jamais aller au ciel. Utabaki hapa kama member wa kanisa. Tu resteras seulement membre de l'église. Ju Biblia iko natuambia tulisoma na katikati ya juma. Parce que la Bible nous dit, nous l'avons lu même au courant de la semaine. Telle voix paraît droite à un homme. Jia fulani kunaonekana kunyoloka kwa mtu. Mais son ici c'est la voix de la mort. Lakini mwisho yayo ni njia ya lufu. Kama unasoma mzuri ile andiko, si vous lisez correctement cette écriture, utaona kusema même la voix de la mort, vous verrez que atangia ya lufu, ça paraît toujours droite à un homme inconvenu. Ikunaonekana paka ya kunyoloka kwa mtu asipokuamini. Mungu abate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Ndio vile Bible inasema. C'est ce que dit la Bible. C'est que mtu anaweza kunatembelea munjia ya lufu, l'homme peut se retrouver dans la voie de la mort, na fura, avec joie. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Ndio kile andiko kunatuambia. C'est ce que dit cette écriture. Mais kila nduku na kila dada anapasha kuyua. Chaque frère et chaque sœur doit savoir. Ni munjia kani mule kunatembelea. C'est dans quelle voie qu'il est en train de marcher. Na kama maisha yake inafika kumwisho. Et si sa vie arrivait à son terme, ataenda wapi? Où est-ce qu'il ira? Ile ni ulizo kila ndugu na kila dada anapaswa kujipatia paye peke. Ça c'est une question que chaque frère et chaque sœur doit se poser personnellement. Parce que wakati tuko naishi tellement iko mubaya. Parce que le temps dans lequel nous vivons est devenu tellement mauvais. Apana kufurahiwa tu kuya member wa kanisa. Faut pas te réjouir seulement d'être membre de l'église. Inapasa tena ufurahiwe na mule uko natembelea ni munini. Il faut d'abord te réjouir dans quelle voie tu es en train de marcher. Ju kama uko nje ya Yesu Kristo. Parce que si tu es en dehors de Jésus-Christ, auweze kutumainia bujima. Tu ne peux pas espérer la vie. Auweze kutumainia kunyakuliwa. Tu ne peux pas espérer d'être enlevé. Auweze kutumainia kwenda kumbingu. Tu ne peux pas espérer d'aller au ciel. Kama unaweka kitumaini kiako. Mais si tu places ton espérance nje ya Yesu Kristo. En dehors de Jésus-Christ. Nikusema uko mwenye kichoke hapa kitembee mzuri. C'est-à-dire tu es anormal. Mungu abate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Parce que wakati tuko naishi. Parce que le temps dans lequel nous vivons. Mungu alitutumia nuru mkubwa. Dieu nous a envoyé une grande lumière. Mungu alitutumia nabii. Dieu nous a envoyé les prophètes. Kama baubiri mwiki kizazi. Si les prédicateurs dans cet âge. Bale walipokea hii message ya Frère Branham. Ceux qui ont reçu le message de Frère Branham. Balipata konema ya kubiri vile Frère Branham alihubiriaka. S'ils ont reçu la grâce de prêcher comme a prêché Frère Branham. Alors lorsqu'ils écoutent le message, lorsque ce peuple écoute ce message, ils ne pouvaient pas être mon vruko. Que Dieu vous bénisse. C'est un message, frère. C'est-à-dire ujumbe nduku. Un message, dada. Ce message, ma soeur. Lorsque quelqu'un l'écoute, il est à mesure de connaître même l'issue de sa vie. Est-ce que tu comprends moi? Nous sommes nous ensemble. Un message que nous entendons, frère. C'est un message que nous entendons. Un message que nous entendons. C'est un message. Lorsque quelqu'un marche sur la terre, il se rend compte même si c'est. Soit moi je serai perdu, soit je serai sauvé. C'est un message qui a une grande lumière. Lorsque quelqu'un croit cela correctement, lorsqu'il marche, s'il remarque que dans sa vie il n'y a plus la présence de Dieu, il les saura. Est-ce que nous sommes moi? Sommes-nous ensemble? Même s'il a été baptisé, avec la lumière de ce message, si ce n'était pas répandu correctement, lorsqu'il écoute ce message, il saura qu'il n'avait pas bien commencé. C'est-à-dire ce message, mon frère, c'est une grande lumière. Que Dieu vous bénisse. Kama baubiri, si les prédicateurs, s'ils exposaient des choses de la même manière que Frère Branham avait exposé, les peuples ne devaient pas être dans la confusion. Chacun de nous devait savoir son sort. Sommes-nous ensemble? Parce que et si nous disons tous les jours que Jésus revient, il y a des règles. I que chaque frère et chaque sœur afin qu'il soit candidat pour l'enlèvement. Sommes-nous ensemble? Parce que ce message, malgré que vous êtes assis là-bas, sans aucune influence de quelqu'un qui se connaissent, tout homme qui est sincère à l'écoute de ce message, il est en mesure de savoir s'il sera enlevé ou pas. Sommes-nous ensemble? Malgré que tu as fait l'enlèvement, tu prêches, tu chantes à la chorale, tu travailles dans les offices, la lumière, y a un message. Selon la lumière de ce message, l'homme a la possibilité de savoir s'il ira ou pas. C'est la vérité. Que Dieu vous bénisse. Mais le problème, c'est quoi? Sur la chair. Nous voulons les péchés qui se trouvent dans les gens, qu'on fasse que les gens puissent sentir que ça devient léger. Que Dieu vous bénisse. Angaria frère, voyez-vous mon frère, tout fardeau qui est léger, on ne peut pas le déposer. Les fardeaux, lorsqu'on les dépose, c'est-à-dire, ça devient trop pesant. C'est ce qui tranquillise les gens aujourd'hui dans des églises. Ils échouent à se répandir. Et d'expérimenter le véritable de Dieu. C'est parce que les péchés qu'ils nous ont. Nous, les prédicateurs, nous avons fait de leur péché là devenir un fardeau léger. L'homme trouve que c'est normal de rester dans les péchés. Ce qui est essentiel est de rester seulement membre d'église. C'est fini pour lui. C'est pourquoi même les prédicateurs dans cette génération, ils seront jugés. Que Dieu vous bénisse. Parce que mon vous voyez l'état de l'église. Les gens devraient être prêts. Jésus-Christ est bientôt et va revenir. Mais pourquoi tu vas rester membre de l'église? Mais avec cette lumière, mais tu n'es pas prêt pour aller en enlèvement. C'est-à-dire que tu n'es pas normal dans ta tête. Que Dieu vous bénisse. Ce message, c'est une grande lumière. Quoi que tu fasses, semblant. Mais si tu l'as déjà entendu, tu te connais toi-même. Ce que tu fais là, c'est un semblant. Que Dieu vous bénisse. Tu te connais très bien. Ton état là, il n'y a personne qui le connaît mieux que toi-même. Très bien. Tu te connais mieux toi-même. Tel que tu es assis là. Tu sais bien que dans cette affaire ici, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas concerné. Malgré que tu refuses de ponctuer par amen, mais c'est la vérité. Parce que ce message ne fait que te pointer toi. Tu te connais très bien, mon frère. Mais frère, regarde mon frère. Pourquoi les gens vont aller étudier? Les gens vont aller étudier. C'est pour qu'ils puissent avoir une connaissance juste. Et c'est tout ce message qui est passé ici. Quelqu'un qui fait longtemps dans cette église, sans savoir s'il est déjà sauvé ou il est païen, ça c'est faux. C'est très faux, mon frère. Conscience Zamiri de chaque frère, il connaît là où tu vas passer ton éternité. Tu connais bien. L'état est très avancé. Il faut dire ouvertement ce que quelqu'un t'attend. Parce que frère Branham avait coutume de dire, lorsque quelqu'un commet les péchés, il faut le lui dire afin qu'il se prépare avec la chose qui va lui arriver plus tard. Sommes-nous ensemble? C'est le message que Dieu nous a envoyé, mon frère. Les péchés. Les pécheurs n'ont pas la place de respirer Moukanissa. Est-ce que tu vas mourir? Sommes-nous ensemble? C'est pourquoi on en arrive, frère. C'est pourquoi vous allez voir mon frère. Tous ceux-là qui ont prêché comme frère Branham. Dans tous les temps, les gens qui avaient l'esprit d'Élie, chaque fois on les haïssait. Que Dieu vous bénisse. Oui, frère. Diondoukou. Si on a haï les Élie du temps de la Bible, on a haï les Élie du temps de la Bible. Même dans cet âge, les pécheurs n'aiment pas qu'on parle sur leurs péchés. Si tu condamnes tellement sur le péché, Dieu calme conscience yabo, calme leurs amis. Ils se rencontrent. Est-ce que lorsque lui dit comme il ça, langage, là, c'est langage là. Ni langage ya kukalme conscience yabo dans Zambie. C'est le langage de calmer la conscience. Alors que kintu, alors que lorsque ni dit chose, qu'on a pointé, c'est à toi qu'on est en train de pointer. Que Dieu vous bénisse. Un message. Ce message ici. Comment on a ici, le frère. Si tu vis dans les péchés, mon frère. Comment expliquer que quelqu'un peut faire longtemps dans ce message tout en continuant toujours à vivre dans les péchés. Ah, ce sont des prédicateurs qui sont en train de plaisanter. Que Dieu vous bénisse. Les pécheurs se sentent mal à l'aise. Lorsque le véritable évangile est prêché. Oui frère. Diondoukou. Comment tellement il n'a pas pris ta poids. Si ça le dépasse vraiment les fardeaux. Soit il va fuir. Soit il va déposer son fardeau. C'est comme ça que ça a toujours été. Mais là, tout qu'on appelle là, on a frère, on a aujourd'hui, nous on a frère, voyez-vous frère, voyez-vous frère. Frère. Non, mon frère. Zambi, il n'a été pas dans Zambi. Les péchés toujours appelés péchés. Oui, frère. Et toute voix du péché, c'est une voix de la mort. Qui l'endou, qui la dade. Chaque frère et chaque soeur. Pas la bouffagne à erreur, mon machin qui a babujima. Il ne faut pas commettre l'erreur dans ta vie. Au chine comme pas ta yes. Que tu manques de recevoir Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. C'est une grosse erreur, moi, on a foi. C'est une grosse erreur que tu feras. Une grosse erreur de plus que toutes les erreurs que c'est tu as déjà commises. Sacrifie tout dans ta vie. Mais néanmoins que tu aies Jésus-Christ. Jésus-Christ. Que tu aies Jésus-Christ. Tu commences à vivre ensemble avec lui. Tous tes deux pieds posés dans la parole de Dieu. Parle, ça, on a quoi, sécurité. C'est alors que tu seras katika ukingo. Que Dieu vous bénisse. Celui qui est en sécurité, c'est seulement celui qui a Jésus-Christ. Un véritable chrétien, il sait là où il se tient. Frère Branham dit ceci. Dans ses messages. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Na uzao yako itashika mulango ya adui yako. Il dit ceci, un paragraphe 22. Il dit ceci. Vende qui pende à pili. Les enfants de Dieu. Batoto ya Mungu. Connaissent là où ils se tiennent. Banayua pale banashimamia. Ils connaissent là où ils ont placé leur confiance. Banayua pale banaweka matumaini yabo. Leur foi. Imani yabo, leur confiance, na tumaini yabo. Rien ne peut les secouer. Hakuna kia kubatenkesha. Rien ne peut les bouger de là. Hakuna kia kubatosha pale. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Anendelea anasema tout ce que le Père m'a donné. Anasema vale bote baba alinipatia. C'est juste. Ni kweli. Tout ce que le Père m'a donné. Vale bote baba alinipatia. Viens donc. Batakuya. Je ne mettrai pas dehors celui qui vit en moi. Shitafukuza inje ula takwa kwa. Celui qui écoute mes paroles. Ula nasikia maneno langu. Qui croit celui qui m'a envoyé. Na kuamini wa ula alinituma. A la vie éternelle. Eko na bujima ya milele. Elle ne vient point au jugement. Na wezi kama kupita muhukumu. Mais il est passé de la mort à la vie. Alakini anatoka kulufu na kwenye uzima. Voilà l'écriture. Njo andiko vile. Vous voyez. Munaona. Il croit cela. Ils ont accepté cela. Baritikia ile. Quelque chose leur était arrivé. Kitimwa fulani kilibafikia. Ils sont devenus de nouvelles créatures. Banakuwa biumbe bipya. Ils ont une nouvelle nature. Banakuwa na asili mupya. une nouvelle être. Banakona bumuntu bupia. Ils sont alors une nouvelle créature. Banakwa basi biumbe bipia. Mungu apote kumbariki. Dieu vous bénisse. Frère Branham endele. Frère Branham continue. Le mot grec signifie. Nouvelle création. Il s'agit d'une nouvelle création. Vous ayez été recréé à partir de ce que vous étiez. À l'image d'un fils de Dieu. Et d'une fille de Dieu. C'est tout simplement vrai. C'est simplement une vie. C'est la plus glorieuse miracle qui soit jamais produit. Lorsque un pécheur devient un chrétien, que Dieu vous bénisse. Lorsque quelqu'un entre en Jésus-Christ, il devient une nouvelle créature. Et frère Branham dit, c'est un grand miracle. Il est muujiza. Ce miracle là. Kanisa iweze kuyopere. L'église ne peut pas le faire. A Yesu kuifanya. Mungu apote kumbariki. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi kila ndugu na kila dada. C'est pourquoi chaque frère et chaque sœur. Kama kuna kuya kukanisa kushikia sauti ya Mungu. Si tu viens à l'église écouter la parole de Dieu. Il faut Mungu akusaidie. Il faut que Dieu t'aide. Kitumaini kiako. Ton espérance. Kishibakirie mukanisa. Que ça ne puisse pas rester dans l'église. Mungu apote kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Nilisema katikati ya juma. Je l'ai dit même au courant de la semaine. Est-ce que tu pas ensemble? Que ton espérance ne puisse pas rester sur l'église, posée sur l'église. Celui qui se tient totalement en Jésus-Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont mortes. Que ça puisse opérer ainsi, mon frère. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas de la blague. C'est un miracle. Frère, kubadilika kwa mwanadamu, le changement d'un homme. Hakuna hata mtu mmoja anaweza kuweza. Il n'y a personne qui peut le faire. Est-ce que tu vas mourir? Sommes-nous ensemble? Frère, kama mtu mubaya, si un méchant. Il a fait longtemps sur la terre. Il a fait longtemps sur la terre. Sans entrer en contact avec Jésus-Christ. Il ne sera jamais changé. Sommes-nous ensemble? Il ne va plus jamais changer. Parce que être changé, c'est être une nouvelle créature. Sommes-nous ensemble? C'est-à-dire, Dieu te change, te transforme. Il transforme ta vie. Il transforme tes objectifs. Il change. Ce n'est pas seulement l'effet de venir à l'église. Non. Il faut en contact avec Dieu. Il faut que tu sois en contact avec des choses surnaturelles. C'est alors que les choses vont aller bon train. Est-ce que tu comprends? Sommes-nous ensemble? Chaque frère et chaque soeur qui se dit chrétien, il doit en lui avoir tellement la soif pour que Dieu puisse l'aider. C'est la vérité. Ce n'est pas l'œuvre humaine. Oui, frère. Ndiyonduku. Yakuya tuivu na kule bukari. Devenir c'est pas pour manger, vivre comme tout. Kisha unajita mwaminifu. Et après quoi tu t'appelles chrétien? Non. Il est na mwaminifu. Ça ce n'est pas ça être chrétien. Mwaminifu ni kiumbe kipya. Être chrétien c'est être une nouvelle créature. Kiumbe kipya. Une nouvelle créature. Ni kusema mawazo yako yote ya bupagano inatoka. C'est-à-dire toute ton ancienne pensée la païenne sort. Magu yako. Tes goûts inatoka. Change. Il n'y a pas quelqu'un qui est sauvé mais qui boit encore de l'alcool. Que Dieu vous bénisse. Il n'existe pas un sauvé qui est encore outrageux. Sommes-nous ensemble? Il n'existe pas quelqu'un qui est sauvé mais qui a de mauvaises pensées. Ici, quelqu'un a de mauvaises pensées. Dans sa bouche sort encore d'outrage. Cette personne là, parce que si lorsque Dieu te recrée, il va te transformer. C'est un grand miracle. Est-ce que tu vas frère Branham a donné un exemple en disant, si vous trouvez un arbre d'épines, Un arbre qui a des pines. Est-ce que, dans ce monde ici, existe-t-il quelqu'un qui peut changer cet arbre de pines pour que ça puisse commencer à produire des oranges? C'est impossible. Que Dieu vous bénisse. Mais cela est possible. L'église ne peut pas transformer. Tu dois croire en Jésus-Christ. Mais confiance yote ndani ya Mungu. Et placer toute ta confiance en Dieu. C'est alors que les choses peuvent marcher. C'est la vérité. Nikweli, que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas seulement le fait de rester comme ça, frère. Être changé. Mungu, Dieu, qu'il travaille sur ta vie. Ah, il faut mourir yako. Ah, il faut que dans ton cœur, qu'il y ait d'abord la soif d'être aidé par Dieu. Sommes-nous ensemble? Que parce lorsque le temps dans lequel nous vivons, c'est le plus le temps de dire les mensonges aux gens. Oh, nous sommes tous sauvés, nous irons au ciel. Parce que les prédicateurs aiment souvent dire cela. Non. Être sauvé. Que le Dieu là du ciel. Qu'il vienne sur ta vie là, toi, méchant. Qu'il commence à travailler sur toi. Qu'il enlève ta mauvaise pensée. Qu'il la transforme pour avoir maintenant de bonnes pensées. Le coup que tu avais jadis. Que Dieu vienne. Tu avais le goût tellement de femmes. Dieu vient travailler sur ta vie. Et même le désir des femmes va te quitter. Si tu avais vraiment le désir de fêtes païennes, mais lorsque Dieu vient travailler sur toi, est-ce que Dieu a déjà travaillé sur toi? Est-ce que Dieu a déjà travaillé sur toi? Toi-même, tu connais comment tu es. Tes ambitions que tu as. Non, mon frère. Non, ma soeur. Un enfant de Dieu. Il connaît là où il se tient. Et si Dieu te délivre, il te transforme. Je ne sais pas si vous me comprenez très bien. Que Dieu vous bénisse. Frère, mon frère, le salut. C'est la personne sur qui Dieu travaille dans sa vie. Et la Bible dit, Dieu ne peut pas faire un travail à moitié. Non. Que Dieu vous bénisse. Il y a certaines personnes, même telles que nous sommes matins, ils ne sont même pas chrétiens. Ils sont encore membres d'église. Peut-être ils seront chrétiens. Mais si Dieu fait son œuvre, frère, mon frère, entourage yako, même ton entourage, ils seront étonnés. Frère de Dieu, même les païens s'étonnent. Est-ce que tu comprends moi? Ah, même l'œuvre de Dieu, même les païens s'étonnent de cette vérité. Nikweli. Kile kitu Mungu anagusa. Ce que Dieu a touché, frère, qui n'a pas besoin de kubadilika. Certainement, ça doit être changé. Nous vivons à la fin, mon frère. Bientôt Jésus-Christ va revenir. Ôte ton espérance de l'église. Selon les promesses de cet âge. Cette église que vous voyez ici, on va la fermer. Est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant, lorsqu'on va fermer cette église, maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas prier là? Si dans ton cœur là il n'y a pas Dieu aujourd'hui, lorsqu'on va fermer cette église, parce que les gens croient que si le prédicateur parle, ils le disent seulement. Il y a encore du temps. Je vais te dire ce matin. Nous sommes très proches d'accomplissement de cette écriture. Bientôt on va fermer cette église. Le bon moment, c'est celui dans lequel nous vivons, toi et moi. Chacun de nous puisse recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Parce que lorsqu'on va fermer cette église, tu ne verras pas quelqu'un venir te visiter et te prêcher. Parce que Satan, il va faire toute sa ruse de manière à ce que certaines personnes mourront même. Regarde un peu ta manière de te consacrer. Pendant que tu as encore la liberté d'adorer, tu as encore la liberté de servir. Maintenant, regarde seulement ton attitude là. Que Dieu vous bénisse. Auras-tu le Saint-Esprit seulement lorsqu'on va fermer l'église? Moi je doute de cela. Que Dieu vous bénisse. Vraiment j'en doute. J'en doute ma soeur. Oui frère. Parce que la Bible le dit ouvertement. Aujourd'hui c'est le temps que Dieu a encore la possibilité de t'aider. Tu as encore la possibilité d'avoir des gens qui doivent mais changer ta mauvaise vie. Mais tu ne changes pas. Quand est-ce que tu vas changer? Ceci pour nous mon frère. Ceci pour nous ma soeur. C'est le seul temps que Dieu nous aide. Que Dieu vous bénisse. Si on ferme toutes ces églises mon frère, la chrétienté sera manifeste. C'est la vérité. Parce que mon angari a takatikati a Dieu. Mais si vous regardez même au courant de la semaine, vous allez voir quelqu'un qui s'absente de l'église. Dans son cœur là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que comme on dit qu'on va fermer les églises, qu'ils viennent fermer les églises pour qu'on puisse se reposer. Le temps vient. Si tu crois que tu vas te reposer, moi je te dis que tu seras vraiment agité. Puisque dans cette cité, même les gens de la cité ici te connaissent. Que Dieu vous bénisse. Ils te connaissent. Si toi aujourd'hui tu les appelles, toi tu es chrétien, alors persévère et aie le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas la chair. Vraiment, tu vas prêcher. Même tes frères dans la chair, de ta famille, tes voisins, ceux que tu crois qu'ils ne connaissent pas. Mais que tu dis, attendez seulement qu'on ferme les portes. Alors tu vas suer. Que Dieu vous bénisse. Tu vas suivre, tu te souviens. Tu diras vraiment faire de la blague dans la parole de Dieu, c'est pas évident. C'est ça le temps que tu es encore libre de chercher le Seigneur. C'est ça le temps de naître de nouveau. L'évangile est encore prêché. Les prédicateurs défilent. Toi, tu restes à l'église à l'aise. Tu t'absentes à l'aise. Non. C'est seulement lorsqu'on va fermer. Que Dieu vous bénisse. Angaria frère. Regarde mon frère. Angaria dad. Regarde ma soeur. La Bible dit que les ciels et la terre passeront. Mais ce qui est sorti de la bouche de Dieu, pas même un iota ne peut pas passer. Même si tu l'oublies, ces églises ici, on va les fermer. Ces réunions que vous voyez, les chefs religieux sont en fin de compte, ils vont fermer les églises. Non, ils vont maintenant mettre en pratique ce qu'ils sont en train de préparer. Sommes-nous ensemble? Nous avons reçu la grande lumière. Parce que ceux qui sont en train de faire, nous comme nous allons il faut le réduire. Sécurité. Il faut aujourd'hui que parce qu'à ce moment-là, c'est Dieu que nous avons reçu là, il va nous défendre. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais, mais si toi tu n'as rien, à ce moment-là qui vient des ténèbres, où est-ce que tu vas te tenir? Sur quoi est-ce que tu vas te tenir? Frère, Ndoukou, résister Satan. Personne sans Dieu ne peut pas réussir. Même si tu es gentil, même si tu chantes bien, même si tu es connu dans l'église, prédicateur, que tu sois prédicateur ou sans Jésus-Christ, devant Satan, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas mon frère. Tu ne sauras pas ma soeur. Le temps tellement que nous vivons est devenu très mauvais. C'est la vérité. Nikweli. Que Dieu vous bénisse. C'est aujourd'hui ton bon moment. yawe kumupata Yesu Kristo mu maisha yako. De recevoir Jésus Christ dans ta vie. Hapana kupata kanisa juu kanisa bataifungaka. Il faut pas seulement avoir l'église puisque cette église ici on va la fermer. Tosha kitumaini kiako mu makanisa. Ote ton espérance de l'église. Uleta kusaidia après ile wakati ni Yesu Kristo. Celui qui va t'aider dans après ce temps-ci c'est seulement Jésus Christ. Akuta kwa tena kukusanika. Il n'y aura plus à se réunir. Na kama banafunga banafungililia. Si l'on ferme c'est fini, on va fermer. Ushwazie usema sema itakuwa sasa hii wakati ya corona. Ne crois pas que ça sera comme du temps de corona de covid. Banafunga, on ferme un peu. Kisha banafunga tena tunakuwa on ouvre. Non, wakati kuna kuya. Le temps vient. Ile hii milango watafunga na kusaisika kanisa. Là où on va fermer cette église mais on va même la saisir. Utashimamia wapi? Sur quoi tu vas te tenir? Wale wale kitumaini kiko kiote pa mkanisa. Toi qui a placé toute ta confiance dans cette église. Kutubu upende kutubu. Te repentir tu ne veux pas. Kuishi maisha ile Mungu anakulomba upende. Vivre la vie que Dieu te demande tu veux. Kumbe unapenda nini? Et alors qu'est-ce que tu veux? Kile unapenda ni nini? Ce que tu veux c'est quoi? Comment on apitisha wakati yako bure mu kanisa? Comment expliquer que tu perds ton temps inutilement dans cette église? Kuko kitu kinachoendeka mu kichwa chako? Il y a quelque chose d'anormal dans ta tête? Kama unaona kusema hii mambo wewe haikusaidii. Si tu vois que ceci ne t'intéresse pas, uache. Ça ne t'intéresse pas, autant mieux d'abandonner, de quitter. Uyache, abandonne. Uikale kuile ngambo. Que tu restes seulement pale bataka kufunga kanisa wewe ndio utaanza kutushota. Ah, lorsqu'on va fermer cette église. Na ule alikuwa prédicateur. Va commencer à nous dévaler. Na ule kwa mbali. Na aussi était prédicateur. Na ule mpaka wewe. Celui-là aussi. Unaona sasa mimi niko na landa. Toi tu crois que je. Mpaka wewe unafanya mizana mambo ya Mungu. C'est seulement toi là qui joue avec la parole de Dieu. Ndio utaanza kupointer ba frère na ba sœur. C'est toi qui va commencer à dénoncer les frères et les sœurs. Tu vas tendre bibaya na ubauwe. Pour que tu fasses du mal à la gare de Satan. Toi qui es fils de Satan. Baba wa bongo, père des mensonges. Ula shikalake mkushimama mukweli. Qui ne se tient jamais dans la vérité. Oui frère, ndio nduku. Comment expliquer injili qu'on a ubiriwa wewe unaishikia sana? Comment expliquer que l'évangile est prêché tu l'as tellement entendu? Mais ona chunga nini kuokolewa? Mais qu'attends-tu pour être sauvé? Ona chunga nini? Qu'attends-tu? Dieu a nini unakatala Mungu kukusaidia? Pourquoi tu refuses que Dieu puisse t'aider? Parce que Mungu namna tu moye yenye alipenda kusaidia wewe. Puisque la seule manière que Dieu veut pour qu'il puisse t'aider. Muisite ya Kambove. Dans cette cité de Kambove. Ni mukuweka en contact na injili ya kweli. C'est te mettre seulement en contact avec le véritable évangile. Mungu wewe mbariki. Que Dieu vous bénisse. Kumbe en dehors ya hii Mungu afanye nini? Alors en dehors de ceci que veux-tu que Dieu puisse faire? Afanye nini? Qu'il fasse quoi? Mungu aliyekala mkambov. Dieu a mis à Kambov. Anaangalia bantu. Il a regardé les gens. Na wewe ukapata neema. Et toi aussi tu as reçu grâce. Akakukokota. Il t'a appelé. Il t'a attiré. Anakuweka pa neno. Il t'a mis sur la parole. Parce que ni paka injili ya kweli. Parce que c'est seulement le véritable évangile. Dieu a uwezo ya kubadilisha mtu. Il a la possibilité de changer. Frère, Dieu kama nous. Wakati injili ya hivi kuna ubiriwa. Si lorsqu'un évangile pareil est prêché. Bantu beko mkanisa miaka na miaka babadilike. Sont dans les églises des années mais ils changent pas. Mazebu. Allez alors chez les dénominations. Muko je. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Mungu bade mbariki. Et Dieu vous bénisse. Muko je. Qu'est-ce qui se passe? Mazebu. Dans les dénominations. Parce que injili frère. Parce que l'évangile mon frère. Kama inahubiriwa na bia bongo. Lorsqu'il est prêché avec des faussetés. Mtu asitaweza kubadilika. L'homme ne peut pas jamais changer. Apana. Mais wewe uko pafashi pazuri. Toi tu es sur un bon endroit. Pale ulipasha kupata bintu ya kukusaidia. Là où tu devais recevoir des choses qui devaient t'aider. Uko unachunga nini? Qu'est-ce que tu attends? Uko unachunga nini? Qu'est-ce que tu attends? Apana kwa kitumaini mkanisa. Il faut pas placer ton espérance dans l'église. Frère Branham anasema kile kitu. Frère Branham le dit aussi. Tusome. Disons. Message écoutez sa voix. Mujumbe musikie sauti yake. Paragraphe 100. Nukta yake 100. Frère Branham anasema hivi. Frère Branham dit ceci. Ndio messager Mungu alitutumia mwikizani. C'est lui le messager que Dieu nous a envoyé dans cet âge. C'est la vérité. Ni kweli. Arianza kubiri paka maneno ya Mungu. Il ne prêchait que la parole de Dieu. Haikukue yake. Ce n'était pas sa parole à lui. Oui frère. Ndio ndugu. Anasema hivi. Il dit ceci. On vous mettra à la porte. Batamiweka nje. Paragraphe 100. Nukta yake 100. Un de ces jours. Siku moja. Des groupes interdénominationnels comme ceci. Makundi ya nje mazebu sawa hii. Il viendra un temps où vous devez faire partir d'une organisation. Mutakwa wakati ile batamingisha mu matengenezo. Sinon vous ne pourrez pas adorer. Kama ina vila mutabudu. Comme vous le savez. Paka vile munaijua. C'est ce que l'écriture dit. Joki laandiko inasema. Pour le moment. Mui wakati sasa. Il se contente de se moquer de vous. Banafuraikia tukumichekeleya. Ah. Mais il viendra un temps. Alakini kutakuwa kwa wakati moya. Où il y aura un boycottage. Mune kutakuwa kumumisonga. Car la marque de la bête doit être apposée. Kwani chapa ya mnyama wanapashi baitie. Ou bien. Voilà. Vous ferez partie de la confédération des églises. Nata mingisha mungano ya makanisa. La bête comme à Rome. Nyama sawa kule ku Roma. Ou bien. Voilà. Vous n'adonnerez pas du tout. Amuta unga matena. C'est ce que l'écriture dit. C'est là que vous devriez crier. Dieu vous bénisse. C'est quoi quand il est qu'on a couya? Il y a un temps qui vient. Uta beba choua, soit. Uta chagua. Uta abudu. Soit tu vas pas adorer. Frère Nimambo Mubaya. C'est vraiment la pire des choses. Peut-être nous on l'a pas bien expliqué. Lorsque ces gens-là viendront à ile Ukaidu, pour empêcher aux gens. Frère, si en toi mon frère, ndani yako dada, en toi ma soeur, il n'y avait pas quelque chose venant de Dieu. Mbio mbio. Tu vas ou t'étiquer kwa haraka. Que Dieu vous bénisse. C'est si il y a un bon moment. Yakutafuta Mungu na roho yako yote. Cherchez Dieu de tout ton cœur. Ni leo. C'est aujourd'hui. Mungu embariki. Que Dieu vous bénisse. Esaïe. Isaïa. Chapitre yake 55. Sura yake 55. Biblia inasema hivi mu verset yake 6. La Bible dit ceci au verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Mutafute wa milele wakati langali na patikana. Wakati akingali na patikana mumtafute. Lorsqu'il se retrouve, cherchez-le. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Mumuite wakati ile ko karibu. Que le méchant abandonne sa voix. Mutu mubaya apate kuacha njia yake. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Na mutu wa uovu aache mawazo yake ya uovu. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Amurudirie wa milele ola tamushikiria buluma. Notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amurudirie Mungu wetu la shichokake na kurumia. Mungu abate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Wakati ya kutafuta Mungu ni hii. Le temps de chercher Dieu c'est celui-ci. Wakati nilikuwa nasoma hii andiko. Lorsque je lisais cette écriture. Mungu alikuwa ananiambia kusema. Dieu m'a dit. Ni bia kweri wakati iko mzuri bantu bapate kumtafuta Mungu bamupate. C'est vrai l'état est encore bon pour que les gens puissent chercher Dieu. Mais kuko kitu kimoya sana. Mais il y a une seule chose. Kile kinafanya obstacle mu bantu. Qui a fait obstacle aux gens. Ni nini? C'est quoi? C'est parce que mu maro ya bantu. C'est parce que dans les cœurs des gens. Amuna njoki ukia Mungu. Ils n'ont pas la soif de Dieu. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Dieu a dit cherchez-moi et mounitez-moi. Invoquez-moi. Que méchant abandonne sa mauvaise foi. Mais si dans ton cœur tu n'as pas la soif de Dieu, comment est-ce que tu peux le chercher? Que Dieu vous bénisse. Satan s'est aussi arrangé. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Il y a certains moments, mon frère. Les jours y a Ibada. Si tu restes seulement à la maison, comme le temps est en train de partir, tu verras lorsqu'il sera maintenant. Tu sentiras dans ton cœur il y aura une certaine agitation. Sommes-nous ensemble? Cette agitation-là qui te pousse, c'est ce qui va t'aider pour que tu sois prêt pour aller écouter l'évangile. Sommes-nous ensemble? Maintenant, regarde mon frère. Si quelqu'un dans son cœur, lorsque le temps d'aller au kilt arrive, il ne sent rien comme empressement. Il peut s'absenter là, c'est normal pour lui. Sommes-nous ensemble? Pour que quelqu'un soit quelqu'un qui cherche Dieu. Comme selon l'exige la parole de Dieu, il faut qu'il ait d'abord la soif de Dieu. Satan est très risé, mon frère. Voilà la difficulté que nous avons aujourd'hui. Satan, au lieu de la soif de Dieu, lui il a placé autre chose. Que Dieu vous bénisse. La soif de Jésus, Dieu la s'apaise. Frère Branham dit, cette soif là que Dieu a placée dans les gens, c'est ça l'alarme. Il faut que ça se retrouve dans chaque frère et chaque soeur. dans des moments pareils, pour que l'homme puisse chercher Dieu. Sommes-nous ensemble? C'est ça l'alarme. Il est bon à mon danger. Pour lui montrer que tu es mon Atari. Est-ce que tu sommes-nous ensemble? Si tu n'as pas cette soif là, mon frère, comment est-ce que tu peux chercher Dieu? Ce n'est pas possible. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans l'état où Dieu se retrouve. Mais les gens ont réfléchi. Le cœur des gens, ça donne à des choses vaines, à des mauvaises vies, à la civilisation actuelle. Oui, frère. Oui, mon frère. Parce que ali leo ya maisha ya bantu. Parce que l'état de mioyo ya banadamu iko tourné pas kubitu bya ovyo. Le cœur des gens est attaché à des choses inutiles. Paka vile bilikuwa mwakati ya Noé. Comme c'était du temps de Noé. Muro ya mtu amuna tena amu ya Mungu. Dans le cœur de l'homme il n'y a plus. Muro ya mtu mko paka amu ya kutenda dhambi. Mais dans le cœur des gens il y a seulement la Bible inasema le péché, la Bible. Le salaire du péché c'est la mort. Mshahara ya dhambi ni mauti. Oui, frère. Ndio nduku. Parce que bat maro ya bantu leo. Dans le cœur des gens aujourd'hui, c'est vraiment pervers. C'est la vérité. Bien que nous disons de chercher Dieu, celui qui est celui sur qui dans son cœur il n'y a plus la soif de Dieu. Comment est-ce qu'il peut chercher Dieu? Comment est-ce qu'il va chercher Dieu? Il va rester ses membres. Et si le maire il va se perdre? C'est la vérité. Toi aussi tu es dans du groupe. Dans ton cœur là, tu n'as plus la soif de Dieu. Parce que pas il est fou, parce qu'à cette place là, tu as mis autre chose. Tu es un méchant. Dieu nous a pas envoyé sur la terre pour chercher la richesse. Mais il nous a mis sur la terre pour qu'on puisse le chercher lui seul. Mais regardez ce que les gens se produisent. Aujourd'hui Dieu, c'est comme s'il n'est plus trouvable. Parce que si quelqu'un n'a pas la soif, la Bible dit. Matthieu chapitre 5 verset 6. Matthieu 5. Matthieu 5 verset 6. Cita. Bible nasema. La Bible dit. Eri. Ere. Benye kwa ba eri. Ceux qui sont eri. Nibale benye kwa nanja. C'est ceux qui ont soif. Na kiu kia uwaki. De la justice. Njoo batu benye kwa ere. Voilà les hommes qui sont heureux. Mungu bote kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Mes frères. Dieu ndou. Mais kile kitu kina nyamaza mu maro ya bantu. Mais cette chose là est apaisée dans le cœur des gens. C'est grave. Ni atari. C'est vraiment dangereux. Et si quelqu'un n'a pas la soif, mon frère, comment est-ce qu'il peut découvrir qu'il y a un danger? Ce n'est pas possible. Alors que dans ce temps-ci, en voyant seulement l'état dans lequel nous vivons, chacun de nous, il devait tout laisser. Pour avoir tout laissé, il faut avoir d'abord la soif. Cette soif-là n'y est pas. Les autres ont seulement la soif de la beauté burembo. Ils veulent seulement paraître devant les gens. Surtout les femmes. Kujipenta. Se maquiller. Kutokelea mama jipe ya sasa. Paraître dans de nouvelles jipes. Tuma jipe to kubala matalamata. Des jipes collantes. Vous allez voir moi aussi cette année. Je vais aussi m'habiller. Voilà ce qui est essentiel pour moi. Que Dieu ait pitié de toi. Que Dieu vous bénisse. C'est compliqué. Il y a quoi attendre? Dans ton cœur, Dieu t'a donné toute cette année. Tu t'habilles seulement. Si tu t'habilles maintenant, à la fin de compte. Ça devient seulement l'objectif d'avoir les habits. Ça n'est pas fini. Tu n'as plus la place de Dieu dans ton cœur. C'est ce que Satan fait. Tu vas commencer à voir que dans ton cœur, lorsque dans toute ta pensée il n'y a que des habits, la soif de Dieu va maintenant s'affaiblir. À tel point ça va disparaître. Il arrivera un certain moment. Le temps d'aller où tu arrives. Mais toi tu es là seulement dans les business. Toujours dans les affaires. Pourquoi? Moi aussi cette année, à tout prix, faut que j'achète une petite maison. Où iras-tu avec les nous sommes déjà arrivés à la fin. C'est la vérité. Nikweli. Moro ya mutu wa mujibake. Dans le cœur de l'homme. Kile kina jibishaka roho ya mutu mpaka Mungu. Ce qui satisfait ce que tu as. Que toi tu. Ata unaenda nyumba moja mulikasi. Si tu construis une maison mulikasi ya Kambove, Lubumbashi, Lubumbashi. Unakuwa na makuta makonto ku banki. Tu as des comptes en banque. Sa vile moro ya mutu. Amujibake roho yako haitaturizana. Ton cœur ne sera jamais satisfait puisqu'il y a toujours l'insatisfaction dans le cœur de l'homme. Tu ne seras jamais satisfait. Mais tu laisses ce qui est essentiel, tu l'abandonnes. Ce qui peut t'aider. Kama unamupata Yesu Kristo, dès que tu es unakuwa calme. Dans ton cœur, il y aura maintenant du calme. Kutulishana. Unaacha. Tu l'abandonnes. Satan a fait sa rire. Pour surcharger les gens, beaucoup de femmes. Et cet homme heureux, c'est celui-là dans son cœur. Il a encore la soif de Dieu. Celui qui est encore dans son cœur, il commet le péché, il sent la condamnation. Voilà une personne heureuse. Beaucoup de frères et de sœurs, ils ne sentent plus où la condamnation est. Savez-vous où est parti cette condamnation? Comme on attend dans Zambi, dès que tu commets un péché, on a fini. Tu fermes. On attend dans Zambi, tu pêches. On a fini. Tu les caches. On attend dans Zambi, tu pêches. On a fini. Tu caches. Dès que ça fait longtemps, tu sentiras dans ton cœur la condamnation est ôtée. Tu n'en as plus. Que Dieu vous bénisse. Et dès que la condamnation t'écoute, ça n'est fini pour toi. Oui frère, Dionduku. Mais comment mourir qu'on garde la kiou? Mais si dans ton cœur tu as encore la joie, bénédiction il est. C'est ça ma baraka. Joie bénédiction. Voilà la bénédiction. Quelqu'un reçoit le Saint Esprit. C'est seulement lorsqu'il a la soif de la vérité. C'est la vérité. Nibiakweli. Comment on a si tu as la soif du Saint Esprit, tu recevras le Saint Esprit. Si tu n'en as pas la soif, tu ne peux pas les recevoir. C'est pourquoi les dieux du ciel. Il a donné des conditions pour que les gens puissent se préparer pour aller au ciel. Que Dieu vous bénisse. La voix que Jésus-Christ a frayée pour nous, c'est une voix de sainteté. La Bible dit, nul d'impur n'y passera. Toute souillure reste souillure. Ça n'a pas le droit de passer dans cette voie. Prédicateur, vous aimez toujours parler sur cette chose-là. Non, mon frère. Je ne fais que donner ce que Dieu m'a donné. C'est la vérité. Comme nous vivons dans une période de perversion, il faut qu'il y ait quelqu'un pour en parler. Oui, frère. Dionduk. Dieu ne manque pas de témoins. Même si les gens sont devenus pervers, mais Dieu peut toujours leur donner la possibilité de dire ce qu'il veut. Même si vous les comprenez mal, mais il va les transmettre tel que Dieu refuse dans son église les péchés. Dieu les refuse. Que Dieu vous bénisse. Dieu refuse le péché dans son église. L'église de Dieu, c'est une église de sainteté. Ce n'est pas une église de gens déçus. Ça, ce n'est pas les repères des démons. Les repères des démons, allez. Pardon? Si ça devient difficile pour toi, mon frère, pour supporter l'évangile, pour supporter cet évangile, tu as à cause de ta mauvaise vie, alors sortez, allez-vous-en. Sortez de l'église. C'est la vérité. Nikweli. D'ailleurs, c'est d'ailleurs honteux. Toi, frère, en tant que frère, tu es en train de détruire la foi. Si ça devient difficile pour toi, va-t'en de l'église. C'est la vérité. Nikweli. Pourquoi tu ambifies ta peau? Qui est-ce que tu veux séduire? C'est grave. Ni Atari. Il y a certaines choses, mon frère. Tu peux même citer être du côté des femmes. Pas du côté des frères. Si cet évangile devient difficile, pour toi, c'est devenu insupportable pour toi. Sortez seulement de l'église. Quitte seulement l'église. Qui t'a appelé? Dans cette église, que Dieu vous bénisse. Tu avais suivi peut-être ton grand frère. Tu avais suivi peut-être tes parents. Oui, frère. Dionduk. Cette église ici, ce n'est pas ça qui est la voie pour aller au ciel. C'est seulement lorsque tu es dans cette église, faire un effort pour que tu puisses recevoir Jésus-Christ. Il ne t'a pas appelé pour que tu puisses amener une mauvaise vie. Il y a des choses qui mais où est-ce que tu es membre de la tabernacle? Mais tu vis toujours cette chose qui sont contraires à la part de Dieu. Qu'est-ce que tu cherches? Que veux-tu que Dieu puisse dire? Qu'est-ce que tu veux que Dieu puisse dire? Ta joie dans cette église, c'est quoi? La joie d'un chrétien à la véritable parole, c'est vivre la sainteté. Mais toi, quelle est ta joie? C'est rester seulement dans la compagnie. Oui, c'est parce qu'on t'appelle sœur en Christ. Est-ce que réellement, toi, là, tu es une sœur en Christ? Ouais, frère, ou frère en toi Christ. Là frère, est-ce que tu es réellement frère en Christ? Regardez là où tu fréquentes. Et là où tu fréquentes. Est-ce que les gens te connaissent là-bas comme un enfant de Dieu? Si Dieu fait une œuvre, même les païens les sauront. C'est la vérité. Nikweli. Est-ce que toi tu es réellement un enfant de Dieu? La parole de Dieu est prêchée. C'est pour nous transformer. Pas quelqu'un qui écoute la parole. Au lieu d'être transformé, alors il devient trop pire. Non, mon frère. Pourquoi est-ce que tu as accepté d'être baptisé? Tu es Mutumbaya. Que Dieu vous bénisse. Dans la Bible. Frère Branham avait prêché un message. Il parlait concernant Simon, mon pharisien. A réintitulé à ce moment l'homme le plus méchant de la vie. Il a intitulé Mutu Mubaya Sana wa Muji. Oui, le message Frère Branham est connaissé. Dans ce message, Frère Branham dit ceci. Comment expliquer le Mutu Simon? Comment expliquer que cet homme-là, Simon, a invité Jésus quoi que? Il a invité Jésus chez lui. D'où est-ce qu'il a pour qu'il aille comme faisait ça. Frère Branham est connaissé. Frère Branham dit. À ce moment, il Mubaya. Il dit que ça, c'est la méchanceté. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Comment expliquer au ribéba baptême? Comment expliquer que tu as pris le baptême? Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Mais où qu'on a continué à couiller par la maïsha mubaya? Mais tu continues toujours à mener une mauvaise vie. Où qu'on méchant? Tu es mutumbaya. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? En arrière comment? Tu n'as Jésus-Christ. Regarde comment le nom de Jésus-Christ. Il qu'on a pas dit choix aïe mon maïsha yako. Et il est maintenant outragé dans ta vie. Le nom de Jésus-Christ est couvert de honte dans ton mariage. Le nom de Jésus-Christ est couvert de honte dans ton service. On t'a engagé au service au nom de Jésus-Christ. On t'a engagé au service au nom de frère en Christ. Mais regarde ce que tu fais. Le nom de Jésus-Christ. Il est maintenant couvert de honte. Qui est celui qui t'a appelé au salut? Tu te réjouis? Que les gens puissent profaner le nom de Jésus-Christ à cause de toi. Tu es un méchant. Que Dieu vous bénisse. Et même des prostituées de la rue, si elles venaient ici, elles sont plus de valeur devant Dieu de plus que toi. Sommes-nous ensemble? Parce que s'il y a des gens qui devaient manifester le christianisme aujourd'hui, c'est cette église. Que Dieu vous bénisse. Qui croit en Jésus-Christ? Mais regarde comment tu vis. Le nom de Jésus-Christ est couvert frère. Tu seras jugé. Tu seras jugé, ma soeur. Il ne faut pas jouer avec la parole de Dieu. Tu seras jugé. Tu seras jugé. Autant mieux même ne pas inviter Jésus-Christ chez toi. Si tu vois que ceci ça te dépasse, laisse-le passer. On ne peut pas s'aventurer dans la parole de Dieu, dans les affaires de Dieu. Fais des aventures dans tes commerces. Mais dans les affaires de Dieu, il faut que tu aies vraiment juste. C'est la vérité. Bien quoi, Frère, Branham appelle cet homme qu'il était tellement Mutumbaya. L'homme le plus méchant de la ville. Mutumbaya. Alors que comme on engage à Wakati à Simon. Si vous regardez du temps de Simon. Pourquoi pas tout bien minga ouvrant mon fauteuil à Yes. Il y avait d'autres personnes qui suivaient Jésus Christ. Barouata Yes on a mambo yaki. Et qui ne suivaient pas Jésus Christ. Mais qui les frères Branham qu'on a été méchanceté à Simon. Pourquoi Jésus Christ a pris la méchanceté de Simon. Mais quoi invité Jésus quoi que. C'est parce que lui il a invité Jésus Christ. La mission est quoi na kumu humilier. Avec la mission l'objectif d'aller l'humilier. Frère, du coup, tu fikiri. Méditons un peu. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est pour la valeur kane mujamaya. Jésus-Christ, il a quelle valeur dans ta famille, dans ton foyer, dans ton ménage? Ni bei kane mumaisha yako na mkaburia nao Yesu. Quelle est la valeur que tu donnes à Jésus-Christ dans ta vie? Uko mu Christ ou uko mu pagan? Es-tu chrétien ou tu es un païen? Jibu, réponds toi-même. Jésus a quelle valeur dans ta vie? Ah, je sais, tu as déjà répondu dans ta vie. Jésus a quelle valeur dans ta vie? Valeur quelle est la valeur qu'on donne au nom de Jésus Christ sur ta vie à toi? Ni valeur quand? Quelle est la valeur qu'on donne à Jésus Christ? Est-ce que les gens ont soif de venir à la foi ou pas? Regarde mon frère, tu seras jugé. Dada utasamba. Ma soeur, tu seras jugé. Ne dis pas, prédicateur, c'est comme ça que tu as toujours prêché. Je prêche, c'est prédicateur. Utasamba. Tu seras jugé. Utasamba, dada. Tu seras jugé, ma soeur. Ya Yesu inabeba haya mu maisha yako. Parce que le nom de Jésus-Christ est outragé à cause de toi. Ukona chambula bwana saki welewele. Tu insultes ton mari comme un insensé. Tu insultes ta femme comme une insensée. Malgré cela, tu t'es dit chrétien. Que Dieu ait pitié de toi aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Christianisme, le christianisme, ce n'est pas l'effet de chanter à la chorale. Le christianisme, ce n'est pas l'effet d'être membre. Christianisme, le christianisme, c'est mener la vie de Jésus Christ. Quel honneur qu'on donne à cet évangile dans ta vie. Regardez à l'école. Tu couches avec des professeurs là-bas. Tu couches avec nos soeurs. Tu couches avec nos frères. Tu es quel genre de personnes? Es-tu frère? Tu es frère, mais tu regardes des films malsains. Regarde mon frère. Ces films-là malsains que vous regardez souvent là. Vous avez l'esprit de Sodome. Est-ce que sommes-nous ensemble? Mon esprit à Sodome. Vous avez seulement l'esprit na de Sodome. Et lorsque Dieu a vu la naissance de Sodome, mon mari beba décision à kuichoma. Dieu avait pris la décision de l'éliminer. On ne sait même pas. Balé bané na mu Israël. Ceux qui vivent. Là on va nous tomber à kusema. Même à Rufia il est mort au couche comme un millier à miaka. Ikingar na shikirika na leo. L'odeur du feu de cet endroit-là. Des milliers d'années, on sent encore cette odeur-là. Croyez-vous que Dieu s'amuse? C'est lui qui s'amuse. Mais Dieu, lui, il est sérieux de ce qu'il dit. Que Dieu vous bénisse. C'est la vérité. C'est dans quelle voie que tu fréquentes, toi? Oh, je suis un chrétien. Quel honneur qu'on donne au nom de Jésus-Christ sur ta vie, dans ta famille. Mukaji yako à ton service. Kule unaendaka. Là où tu vas. Ni heshima kani manaletea njina ya Yesu. Quel est l'honneur qu'on donne au nom de Jésus Christ? Mon Christ. Ni mtu wa kuheshimia. C'est quelqu'un honorable. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Mon Christ, frère. Un chrétien du Kuya. Ata mambo nafika parfois. Même s'il y a un problème qui surgit quelque part. Ata serikali inakuya. Même si le gouvernement anatafuta kwanza kukata ile mambo. Il vient maintenant trancher. Mais comment fait mon Christ? Mais s'il y a un chrétien. Bata mvumbula. Ils vont le découvrir. Mais toi, on te calomnie. On essaie un peu de vérifier, tu es dedans. On essaie un peu d'examiner, tu es dedans. Tu veux paraître comme si Washo Mille Mambo Chiyoué. Non, moi je ne connais pas cette affaire. Regarde mon frère. Dans ta ruse, la ruse de l'homme, il peut gagner le procès même si il n'est pas coupable. devant les gens. Mais devant Dieu, tu ne peux pas gagner parce que notre Dieu connaît toutes choses. C'est la vérité. Tel que nous sommes ici tous ici. En paraissant, nous devant l'église, Beleakanisa, nous avons tous gagné procès. Nous tous nous paraissons des justes. Est-ce que tu vas mourir? Sommes-nous ensemble? Agaria frère, regarde mon frère. Regarde ma soeur. Le Dieu dit ça. Justice, c'est celui qui a la justice juste. C'est la vérité. Nibiakweli. Atakama unawajia, unaonekana kubatu sawa mkristo. Même si tu paraissais. Mais vule muroho yako. Mais au fin fond. Uko na beba njina ya Yesu namna kani? Comment est-ce que tu prends le nom de Jésus-Christ? Comment est-ce que tu portes le nom de Jésus-Christ? Dans cette voie nue d'impur. Oui, frère. Il n'y a pas d'impureté. Un méchant, un impur ne peut pas y marcher. Quelqu'un qui a la vie de dissimulation. Il ne peut pas marcher sur ce chemin. Hypocrite. Munafiko wa masula mbiri. Eko na wajia bantu paka bibaya. Il a seulement de mais pas le kimya sa padri. Il est là calme comme un prêtre. Satan, oui. Satan, toi. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. C'est la vérité. Utenda mumbingu ya nani? Tu iras dans le ciel. Hakuna mtu kwa kipande ka mbingu hapa. Il n'y a aucune personne qui a même une kule atakupeleka. Là où il va t'amener. Tu trompes tout dans la mbingu. Tu ne trompes pas. Mais tu vois où la ouais que vous trompez. Il y a quelqu'un qui te trompe. C'est celui-là le propriétaire. Et comme vous vous sécurisez en aléo. Tant mieux que tu t'accordes avec lui aujourd'hui. C'est la vérité. Nikweli. Pas na kufanya misa frère. Il faut pas blaguer. Pas na kufanya misa. Ne fais pas des blagues ma soeur. Semaine mirisema. Au courant de la semaine j'ai dit. Et ma décision bat beko na beba. Ces décisions que les gens prennent. Y a bongo. Nombreux ce sont des fausses décisions. Est-ce que tu vas mourir? Sommes-nous ensemble? Aïna ma décision. Ce ne sont pas des décisions. Décision est bien query. La véritable décision. Lorsque quelqu'un prend la véritable décision, ça se laisse voir. Parce qu'on a aligné bintu biote kuli les décisions. Parce que ça va aligner toutes choses selon la décision. Mouto la beba décision y en est. Quelqu'un qui prend la décision cette année. Mais moi quelque chose en engage ou bien ovio. L'année prochaine, il va encore entrer dans des bêtises. Apana frère. Non mon frère. Apana dad. Non ma soeur. Tu n'as pas de chibote kuya tayari. Nous devons tous être prêts. Parce que Jésus Christ est au caribou kurudia. Parce que bientôt là Jésus-Christ va revenir. Il ne faut pas accepter qu'une mauvaise chose entre dans ta vie. Non. Apana mina kusi. Non, je te supplie. Apana dada, non, apana. Ma soeur, non. Enlèvement. Kunyanyuliwa. Inaweza kufanika demo malo. Ça peut se faire wakati yote yote. Yote bisha kutimia. Tout ça vient de s'accomplir. Il n'y a plus rien qu'on peut encore attendre. Parce que tous les signes sont manifestes. Celui qui est en retard, c'est seulement toi. Que Dieu vous bénisse. Tu dois être prêt. On n'a pas sa prêt. Tu dois être prêt. Na quoi prêt. Et pour être prêt. Tu pas sa la Rome takatifu. Il faut que tu aies le Saint-Esprit. Mungu bade kumbari. Que Dieu vous bénisse. C'est la vérité. Ni kweli. Njo yenye mavazi. C'est ça même les habits. Yashi kwenda nayo ku karamu ya mwana kondo. La robe de la noce. Est-ce que avec laquelle on peut aller au ciel. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé cet évangile. Qu'on puisse se lever. Qu'on ait le Saint-Esprit. Voilà la robe avec laquelle on va aller à la noce. Frère, mon frère, il y a des noces. Dieu ne peut pas mentir. Regardez un peu les noces qui sont préparées par le roi. Je vis un roi dans un pays qui avait organisé la noce. Mais mariage, si vous regardez ce mariage là, de ce monde, c'était terrible. Si les gens de ce monde, les gens de ce monde sont à mesure d'organiser les choses et les gens peuvent apprécier. Dieu a nini. Pourquoi? Parce qu'ils ont suffisamment de moyens. Mais à combien plus forte raison notre Dieu? Que Dieu vous bénisse. Il y a vraiment la fête. Dans cette fête, nous mangerons, nous biverons. Est-ce que tu vas mourir? Sommes-nous ensemble? Tutakula na tutakunywa. Nous mangerons et nous biverons. Tutashikia fura. Et nous nous sentirons vraiment dans la joie. Aina karamu ya miza. Ce n'est pas une fête ordinaire. Parce que mwile karamu. Puisque dans cette fête, utenda kumuona Abraham. Nous irons voir Abraham. Mwile karamu. Dans cette fête, utenda kumuona Pierre. Nous irons voir Pierre. Ivi biote uko na kuamana kuamana nabe kwa dunia. Toutes ces choses. Utabiona kusema bili kupondea muda. Toutes ces choses que tu amasses sur la terre, tu verras que ça a vraiment perdu ton temps. Ça a vraiment perdu ton temps. Il na kila dada. Chaque frère, chaque soeur. Dans le temps, devons nous habiller. Na Bible, on a sema vu mon Apocalypse. Et la Bible nous le dit en Apocalypse. Chapitre 19. Sura Kuminatisa. Ok. Verset 7. Mstari ya saba. Bible na sema vu. La Bible dit ceci. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Tu fraini na tuwe katika shangwe. Et donnez-lui gloire. Na tumpache masifa. Car les noces de l'agneau sont venues. Wani makaramu amana kondwe na karibia. Et son épouse s'est préparée. Na bibi yake arusi anesho jitayarisha. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Bibi wa arusi. Son épouse. Ule mwenye ule atenda mu arusi. Kira da onoso. Elle s'est déjà préparée. Est-ce que tu vas mourir? Sommes-nous ensemble? Est-ce que l'épouse est pas ici? Est-ce que l'épouse est ici? C'est que l'épouse est pas ici à c'est-à-dire l'épouse ici, elle s'est déjà parce préparée. Parce que parce que bientôt là, les noces vont avoir lieu. La Bible continue. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. Il lui mupewa apate kuvana kitani mweupe. Éclata pur. Tia kwangala na safi. Car les fins lins sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, andika. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Oui frère. Épouse de Jésus-Christ. Bibi arusi wa Yesu Kristo. Mui wakati tuko safari tuko karibu ya kwenda kukaramu. Dans cette époque nous sommes comme nous sommes proches d'aller aux noces. Eko déjà prêt. Anesha kwa tayari. Na kuya tayari. Etre prête. Ni kuya na Roho Mtakatifu. C'est avoir le Saint-Esprit. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Njokuya prêt. C'est ça être prêt. Kama una na Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit. Auna candidat mon enlèvement. C'est-à-dire tu n'es pas candidat. Est-ce que tu peux m'aider? Sommes-nous ensemble? Na mutu mwenye kuwa na Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Anakalaka na esprit ya Christ. Il a l'esprit de Christ. Aweze kuwa na Saint-Esprit. Tu peux pas avoir le Saint-Esprit. Mais mon roho yako muko kiburi. Mais dans ton cœur il y a encore l'orgueil. Apana. Non. Est-ce que tu peux m'aider? Sommes-nous ensemble? Mutu wa Saint-Esprit frère. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Ashiwazaki atashi kumwaseme kwa kabaila kupita mutu fulani. Il ne peut même pas croire un jour qu'il est plus que tel. Est-ce que tu peux m'aider? Sommes-nous ensemble? Kama muro yako frère na sœur. Si ton cœur mon frère. Ukingariki mawazo ya kona sa uko yulu kupita fulani. Il y a encore des pensées. Auna na Saint-Esprit ata. De t'imaginer. Na auna tayari. Plus que tel. Tu n'as pas de Saint-Esprit et tu n'es même pas prêt. Est-ce que tu peux m'aider? Sommes-nous ensemble? Saint-Esprit kama mutu anaipata. Le Saint-Esprit lorsque quelqu'un le tient. Anaona kabantu beko sa yulu yake. Il considère. Yeko chini. Tout le monde comme étant supérieur à lui mais lui est. Kama yeye mawazo auna nayo. Si toi tu n'as pas de pensées. Tonja mawazo ya kusema kuna Saint-Esprit. Tu as une naïo de t'imaginer que tu es dans la maïsha de Jésus Christ. Il n'a pas. Na message, le frère Branham a rubiri. Conforme aux paroles de Jésus Christ, il n'est même pas conforme au message que frère Branham a prêché. Est-ce que tu vas pas mourir? Sommes-nous ensemble? Mutu wote un homme orgueilleux. Tout homme wote wakiburi. Hana na Saint-Esprit. Mama Jivuno, il n'a pas de Saint-Esprit. Est-ce que tu vas mourir? Sommes-nous ensemble? Hana naïo. Il n'en a pas. Na ana tayari. Et il n'est même pas prêt. Il faut leur mungu kusaidi. Il faut que Dieu t'aide aujourd'hui. Attende mu maisha yako. Qu'il puisse agir sur ta vie. Atoje kiburi. Qu'il ôte l'orgueil. Tunaona ile masentiment frère. Voyez-vous ce sentiment là? Inekalaka ya mtu ashipo kugeuka. Ce sont des sentiments de quelqu'un. Ndani ya mtu ashipo kwa na Roho Mtakatifu. Dans une personne n'a pas. Hata kama unajiforcer kujimilier. Même si tu te forces à kunyanyekea. Kama una na Roho Mtakatifu. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit. Masentiment ya bukubwa yote kunamuka pak. D'être hautain et supérieur vont s'élever encore en toi. Est-ce que tu vas mourir? Sommes-nous ensemble? Que Dieu vous bénisse. C'est la vérité. Nikweli. Mutoto wa Mungu bia kweli. Un véritable enfant de Dieu. Anajimilia. Il est simili. Na frère Branham mko expliquer moi message sina nataka kuisoma. Frère Branham a expliqué dans ce message. La voix à laquelle Dieu a pourvu. Dieu le Mungu alitarifu. Frère Branham anasema. Frère Branham dit. Pourquoi Mungu analetaka Saint-Esprit kubake batoto? Pourquoi Dieu donne son Saint-Esprit à ses enfants? Ni Dieu bote bakuye niveau moya. C'est pour que tous puissent avoir le même niveau. Est-ce que tu vas moya? Sommes-nous ensemble? Frère Branham, on a l'état exemple à couler comme moyen orient couler. Frère Branham donne l'exemple. Vous avez organisé comme fête. Du moyen orient là où on organise. Comment vous faites man organiser fête? Lorsqu'un roi organise. Dieu a mutoto yake. Pour son enfant. mutoto yake ule anatuma ma invitation. Mon enfant là envoie des invitations. Yendo atekala pa mulango. Il se mettra à la porte. Mutu yote yako anakuja kuingia mkaramu. Tout homme qui viendra pour entrer au fête. Bata munawisha mai. On va les laver. Bana mupanguza. On va les suyer. Kisha anakuja kule kuko mutoto wa mfalme. Il vient devant l'enfant du roi. Anamupatia nkanjo. Il va lui donner une robe. Anavuala nkanjo. Il va porter la robe. Ndio anaingia mkaramu. C'est alors qu'il va entrer maintenant. Maintenant comment expliquer wewe uko na Saint Esprit? Comment expliquer que toi tu as le Saint Esprit? Yenye kuya kanjo kuikala nao mkaramu. Mais tu as toujours les pensées d'être grand, supérieur, moi, na auna tayari. Et tu n'es même pas prêt. Mungu apende kumbariki. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi Léo frère. C'est pourquoi aujourd'hui mon frère. Sa vile injili kingariki na ubiriwa. Comme l'évangile est encore prêché. Apana kuachiria roho yako itongozwe. Faut pas laisser que ton cœur soit séduit. Na bitu vya bongo. Avec des fausses choses. Non. Mungu apende kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu alitutumia prophète. Dieu nous a envoyé les prophètes. Mwiki kizazi. Dans cet âge. Anasema bitu mzuri. Il a dit na kila ndugu na kila dada. Et chaque frère. Eko ameziri ya kujua kama eko tayari au hapana. Il a mesure de découvrir s'il est prêt ou pas. Bantu mkanisa. Les gens dans l'église. Banaza kukuona kusema kwa mtu wa Mungu. Ils peuvent te considérer comme un enfant de Dieu. Est-ce que mule muroho yako? Est-ce que dans ton cœur là? Munegalaka mania ya kujishusha? Y a-t-il de ni question ni kuna kuuliza. C'est une question que je te pose. Munegalaka mania ya kuona bantu sabe ko yulu yako? Y a-t-il de sentiment de kuona sabe hakuna ule wewe unapita? De ne pas considérer quelqu'un comme ça. Ina makuko kitu akiendeke. Si tu n'as pas ce sentiment là d'humilité, il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Est-ce que tu comprends moi frère? Sommes-nous ensemble mon frère? C'est la vérité. Nikweli. Mutoto wa Mungu wote wa kweli. Un véritable enfant de Dieu. Ashikalaka na bala na zarawaka na bala na heshima yake. Il n'a pas des gens qui le méprisent et des gens qui l'honorent. Ana nabo. Il n'en a pas. Oh, mais j'ai tant de rafiki na ole dada. Moi je ne peux pas nouer d'amitié avec cette sœur. Tu ashina wa muniveau yangu. Parce qu'elle n'est pas de mon niveau. Ashina wa muniveau yako ya mademon. Elle n'est pas de ton niveau là des démons. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Achina mon niveau yako juwe niveau yako ni ya mademon. C'est vrai. Chez pas de Christ qui galère na niveau. Tu as des niveaux de démons. Nous les chrétiens nous n'avons pas de niveau. On a frère. Voyez-vous frère? Il faut vraiment n'a pas chez toi. Moto anakuya mbele akuye kombela ta mukipimo yangu. Sois quand même un peu de mon niveau là. Mukipimo yako kona niveau ka. Ton niveau quel est le niveau que tu as là? Uko tu mtu wa bule. Tu es un homme vaurien. Uko kifulushi kimoki ya bulongo kile Mungu anaweza souffle. Un tas de. Ile Mungu anaweza kukupa pour la des moments là. Dieu peut aller souffler là-dessus. C'est la vérité. Ni bien kweli. C'est pourquoi? Je crois man. Tuko katika mapasho. Nous sommes dans l'obligation. Dieu a gustema twende ku karamu wa mwana Kongo. On nose de l'agneau. Tu vale. Qu'on puisse s'habiller. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Tu vale. Qu'on puisse s'habiller. Na kila ndugu na kila dada. Et chaque frère et chaque sœur. Il n'apasha kwa prière yake. Ceci doit être sa prière. Yesu wako karibu kuya. Bientôt Jésus. Kama unafanya misa. Si tu joues. Ya ku néglige tout le tubitu tuloko tuloko. Néglige ces petites choses. Utarate enlèvement na heshima yote watu wanakupaka. Tu vas rater l'enlèvement même avec les honneurs que les gens te donnent. Est-ce que nous sommes ensemble? Iko muzuri batu ba kuheshimia mewe na Mungu. Otamie que les gens t'honorent mais tout en ayant Dieu. Apana batu beko na kuheshimia mais Mungu hauna naye. Les gens t'honorent pendant que tu n'as pas Dieu. Unafanya kazi ya mumbafu. Tu as fait un travail inutile. Tunapasha chez bote kuvuala. Nous devons tous. Na Yesu ko nakuya. Et Jésus qui vient là. Bibi yake ya harusi. Son épouse. Alijitayarisha. Elle s'est déjà préparée. Est-ce que ouais, uko épouse ouais. Est-ce que toi là, tu es épouse? Uko prêt? Es-tu prêt? Auna na Saint Esprit que compris. Tu n'as pas le Saint Esprit que tu es prêt. Ah, que Dieu vous bénisse pour la journée d'aujourd'hui. Chibinene. Ça suffit. C'est la vérité. Mbiakweri. Tufikiri. Méditons. Tutenda ku mbingu. Nous irons au ciel. Ya nani? Le ciel de qui? Mbingu ya Yesu. Le ciel de Jésus-Christ. Kuko makanuni. Il y a des règles ou des conditions à remplir. Tu on ne peut pas y aller. Parce que nous sommes gentils. Uko mupole, tu es gentil, mais tu as des mauvaises pensées sur les gens. Na na toi aussi, avec ça, tu iras au ciel. Tu vas faire des dégâts là-bas. Il faut que tu t'habilles d'abord les habits de sainteté. Il faut que tu reçoives d'abord les sainteté. Si tu commettais l'erreur et que tu ne l'as pas sur la terre, tu as perdu tout ton temps. Tu dans la, l'église. Mettons-nous debout tous. Tufikiri. Méditons. kila nduku na kila dada anashikia. Chaque frère et chaque sœur qui a entendu, anayua munjia muleko na tembele. Il connaît sur quelle voie il marche. Inje ya Yesu Kristo ni njia ya lufu. En dehors de Jésus-Christ, c'est la voie de la mort. Kukubatiza tulikubatiza. Te baptisé, on t'a déjà baptisé. Est-ce que njira ya Yesu kuna heshima kani mu maisha yako? Est-ce que le nom de Jésus-Christ a de l'honneur, de valeur dans ta vie? Maisha yako. Ta vie là. Ni kazi yenye Mungu alifanya au hapana? C'est une œuvre de Dieu ou non? Wewe peke uko témoin. Toi-même tu es témoin. Mungu alituma hii message. Dieu a envoyé ce message. Ni juu kila ndugu na kila dada fanye examen de conscience. C'est pour que chaque frère et chaque sœur achunguze. Kama Yesu Kristo anarudia. Si Jésus-Christ revenait. Utaenda au hautaenda? Iras-tu ou tu n'iras pas? Maintenant, Dieu a nina utaenda. Pourquoi tu n'iras pas? Alors que injili ya matayarisho Mungu alikutumia. Alors que l'évangile de préparation Dieu te l'a déjà envoyé. Fikiri. Médite. Tutumie kama wimbo kafupi kisha tutaona. Entonnons un petit cantique avant de prier. Nous n'irons pas. Nous n'irons pas. Nous serons là qui ont reçu l'invitation.